Alors maintenant, je vous propose de revoir certaines autres transformations et d'en apprendre de nouvelles. Dans ses cours, Michel Thomas expliquait notamment qu'un grand nombre de mots français en ANT et ENT sont identiques en anglais, où l'on retrouve ces terminaisons prononcées UNT, comme dans important. Alors revoyons rapidement cette transformation pour ajouter de nouveaux mots à notre liste croissante de English vocabulary. Il est important, important, d'avoir ces mots à votre disposition. Alors c'est parti. Si pour dans le sens de afin de se dit in order to, littéralement dans l'ordre de, et apprendre se dit to learn, L-E-A-R-N, comment direz-vous, pour apprendre l'anglais, il est important de lire en anglais. Alors commençons par le début de la phrase. Pour apprendre l'anglais. Attention, on dira pour apprendre anglais et non l'anglais. Donc je vous écoute. In order to learn English. In order to learn English, oui, pour apprendre l'anglais, il est important de lire, to read, R-E-A-D, en anglais. It is important to read in English. So true, c'est tellement vrai. In order to learn English, donc on n'emploie pas the avant English parce qu'il s'agit de la langue, it is ou it's important to read in English. Remarquez qu'on ne dit pas important of read, mais important to read, puisqu'on avait vu que de se traduit to lorsqu'il est suivi d'un verbe. Vous vous distinguerez si vous ne commettez pas cette erreur très courante chez les francophones. Bien, alors continuons sans perdre de vue nos mots en ANT. En anglais, pour dire quel dommage, on utilise l'expression what a shame, avec shame qui s'écrit S-H-A-M-E. Alors, si pas du tout se dit not at all, not at all, comment direz-vous quel dommage, ce restaurant n'est pas bon du tout? What a shame. This restaurant is not at all good. Oui, what a shame. This restaurant, c'est exactement le même mot qu'en français, mais notez bien la prononciation. On ne doit entendre que deux syllabes au lieu de trois en français. Restaurant. Donc, this restaurant is not at all good, n'est pas du tout bon. Ou encore, this restaurant is not good at all, n'est pas bon du tout. Bien, alors continuons. Comment dira-t-on tolérant en anglais? Tolerant. Tolerant. Et donc, si found, F-O-U-N-D, est le passé du verbe to find, trouver, vous ne devriez pas avoir de problème pour dire « elle l'a trouvé arrogant et intolérant ». Alors, un petit coup de pouce quand même, en anglais, on dira « elle a trouvé lui arrogant et intolérant ». She found him arrogant and intolerant. She found him arrogant and intolerant. What a shame. Ces deux-là ne risquent pas de devenir de grands amis.